pas comment on le veut. On le laisse sans son micro. Tu m'entends? Prends du souffle. Il est où mon nom? Il n'y a pas de mon nom. Ah si, ouais. C'est Effect Processor. Enfin, c'est... Ah, attends. Ah, là, c'est bon. Parfait. Ok. Tu m'entends bien, là? Vas-y, commence. Essaie. Vas-y, réessaye. Mais on en a moins vite pour qu'on voit.